Chapitre 41e, une soirée au pavillon de Flore. Le soir de ce même jour, c'est-à-dire le 24 décembre, veille de la Noël, il y avait réception au pavillon de Flore. La reine n'ayant pas voulu recevoir chez elle, c'était la princesse de Lamballe qui recevait pour elle et qui faisait les honneurs du cercle jusqu'à ce que la reine fût arrivée. La reine arrivée, toute chose prenait son cours, comme si la soirée se fût écoulée au pavillon Marsan au lieu du pavillon de Flore. Dans le courant de la matinée, le jeune baron Isidore de Charny était revenu de Turin, et aussitôt son retour, il avait été admis près du roi d'abord et près de la reine ensuite. Il avait trouvé chez tous deux une extrême bienveillance, mais chez la reine surtout, deux raisons rendaient cette bienveillance remarquable. D'abord, Isidore était le frère de Charny, et Charny absent, c'était un grand charme pour la reine que de voir son frère. Puis Isidore apportait, de la part de monsieur le comte d'Artois, et de la part de monsieur le prince de Condé, des paroles qui n'étaient que trop en harmonie avec celles que lui soufflait son propre cœur. Les princes recommandaient à la reine les projets de monsieur de Favras et l'invitaient à profiter du dévouement de ce courageux gentilhomme à fuir et aller venir rejoindre à Turin. Il était en outre chargé d'exprimer au nom des princes à monsieur de Favras toute la sympathie qu'ils éprouvaient pour son projet et tous les vœux qu'ils faisaient pour sa réussite. La reine garda Isidore une heure près d'elle, l'invita à venir le soir au cercle de madame de Lamballe et ne lui permit de se retirer que parce qu'il lui demanda congé pour aller s'acquitter de sa mission près de monsieur de Favras. La reine n'avait rien dit de positif à l'endroit de sa fuite. Seulement, elle avait chargé Isidore de répéter à monsieur et madame de Favras ce qu'elle leur avait dit lorsqu'elle avait reçu madame de Favras chez elle et qu'elle était entrée tout à coup chez le roi, tandis que monsieur de Favras s'y trouvait. En quittant la reine, Isidore se rendit immédiatement auprès de monsieur de Favras, qui demeurait place royale numéro 21. Ce fut madame de Favras qui reçut le baron de Charny. Elle lui dit, d'abord, que son mari était sorti. Mais, lorsqu'elle sut le nom du visiteur, quels augustes personnages il venait de voir il y avait une heure, quels autres il avait quitté 5 ou 6 jours auparavant, elle avoua la présence de son mari à la maison et le fit appeler. Le marquis entra, le visage ouvert et l'œil souriant. Il avait été prévenu directement de Turin. Il savait donc de quelle part venait Isidore. Le message dont la reine avait en outre chargé le jeune homme mit le comble à la joie du conspirateur. Tout en effet secondait son espérance. Le complot marchait à merveille. Les 1200 cavaliers étaient rassemblés à Versailles. Chacun d'eux devait prendre un fantassin en croupe, ce qui donnait 2400 hommes au lieu de 1200. Quant au triple assassinat de Necker, de Bailly et de Lafayette, qui devait être exécuté simultanément par chacune des 3 colonnes entrant dans Paris, l'une par la barrière du Roule, l'autre par la barrière de Grenelle et la troisième par la grille de Chaillot, on y avait renoncé, pensant qu'il suffirait de se défaire de Lafayette. Or, pour cette expédition, c'était assez de 4 hommes, pourvu qu'ils fussent bien montés et bien armés. Ils eussent attendu sa voiture, le soir à 11 heures, au moment où monsieur de Lafayette quittait ordinairement les Tuileries. 2 auraient longé la rue à droite et à gauche, 2 seraient venus au devant de la voiture, 1 de ceux-ci tenant un papier à la main aurait fait signe au cocher d'arrêter, disant qu'il avait un avis important à communiquer au général. Alors, la voiture se serait arrêtée, le général aurait mis la tête à la portière et aussitôt on lui aurait brûlé la cervelle d'un coup de pistolet. C'était là, du reste, le seul changement d'importance qui eût été fait au complot. Tout tenait dans les mêmes conditions. Seulement, l'argent était versé, les hommes étaient prévenus, le roi n'avait qu'à dire « oui » et à un signe de monsieur de Favras, l'affaire serait enlevée. Une seule chose inquiétait le marquis, c'était le silence du roi et de la reine à son égard. Ce silence, la reine venait de le rompre par l'intermédiaire d'Isidore. Isidore promit à monsieur de Favras de reporter le soir même à la reine et au roi l'expression de son dévouement. Le jeune baron était, comme on le sait, parti pour Turin le jour de son arrivée à Paris. Il avait donc d'autres logements que la chambre que son frère occupait aux Tuileries. Son frère absent, il se fit ouvrir cette chambre par un laquais du comte. À 9 heures du soir, il entrait chez madame la princesse de Lamballe. Il n'avait point été présenté à la princesse. Celle-ci ne le connaissait pas. Mais, prévenue dans la journée par un mot de la reine, à l'annonce de son nom, la princesse se leva, et avec cette grâce charmante qui lui tenait lieu d'esprit, elle l'attira tout de suite dans le cercle des intimes. Le roi ni la reine n'étaient encore arrivés. Monsieur, qui paraissait inquiet, causait dans un coin avec deux gentilshommes de son intimité à lui, Monsieur de la Châtre et Monsieur d'Avaray. Le comte Louis de Narbonne allait d'un groupe à l'autre avec l'aisance d'un homme qui se sent en famille. Ce cercle des intimes se composait des jeunes gentilshommes qui avaient résisté à la manie de l'émigration. C'étaient Messieurs de la Mette, qui devaient beaucoup à la reine, et qui n'avaient pas encore pris parti contre elle. Monsieur d'Ambly, une des bonnes ou des mauvaises têtes de l'époque, comme on voudra. Monsieur de Castries, Monsieur de Fersennes, Sulo, rédacteur en chef du spirituel journal Les Actes des Apôtres, tous cœurs loyaux, mais toutes têtes ardentes, quelques-unes même un peu folles. Isidore ne connaissait aucun de ces jeunes gens, mais à son nom bien connu, à la bienveillance particulière dont l'avait honoré la princesse, toutes les mains s'étaient tendues vers lui. D'ailleurs, il apportait des nouvelles de cette autre France qui vivait à l'étranger. Chacun avait un parent ou un ami près des princes. Isidore avait vu tout ce monde-là, c'était une seconde gazette. Nous avons dit que Sulo était la première. Sulo tenait la conversation et l'on riait fort. Sulo avait assisté ce jour-là à la séance de l'Assemblée. Monsieur Guillotin était monté à la tribune, avait vanté les douceurs de la machine qu'il venait d'imaginer, avait raconté l'essai triomphant qu'il en avait fait le matin même, et avait demandé qu'on lui fît l'honneur de la substituer à tous les instruments de mort, roues, potences, bûchers, écartèlements, qui avaient successivement effrayé la grève. L'Assemblée, séduite par le velouté de cette nouvelle machine, était auprès de l'adopter. Sulo avait fait, à propos de l'Assemblée de M. Guillotin et de sa machine sur l'air du menu d'Exotet, une chanson qui devait paraître le lendemain dans son journal. Cette chanson qu'il chantait à demi-voix, au cercle joyeux qui l'entourait, provoquait des rires si francs que le roi, qui venait avec la reine, les entendit de l'antichambre et que, comme, pauvre roi, il ne riait plus guère, il se promit à lui-même de s'enquérir du sujet qui pouvait, dans les temps de tristesse où l'on se trouvait, provoquer une telle gaieté. Il va sans dire que dès qu'un huissier eut annoncé le roi et un autre la reine, tous les chuchotements, toutes les conversations, tous les éclats de rire cessèrent pour faire place au plus respectueux silence. Les deux augustes personnages entrèrent. Plus, à l'extérieur, le génie révolutionnaire dépouillait un à un la royauté de tous ses prestiges, plus, il faut le dire, dans l'intimité, s'augmentait, pour les vrais royalistes, ces respects auxquels les infortunes donnent une nouvelle force. 89 vit de grandes ingratitudes, mais 93 vit de suprême dévouement. Madame de Lamballe et Madame Élisabeth s'emparèrent de la reine. Monsieur marcha droit au roi pour lui présenter ses respects et en s'inclinant lui dit « Mon frère, ne pourrions-nous point faire un jeu particulier, vous la reine, moi et quelqu'un de vos intimes, afin que, sous l'apparence d'un whist, nous puissions causer un peu confidentiellement ?»« Volontiers, mon frère, répondit le roi, arrangez cela avec la reine. » Monsieur se rapprocha de Marie-Antoinette, à qui Charny présentait ses hommages et disait tout bas « Madame, j'ai vu Monsieur de Favras, et j'ai des communications de la plus haute importance à faire à votre majesté. »« Ma chère sœur, dit monsieur, le roi désire que nous fassions un whist à quatre. Nous nous réunissons contre vous, il nous laisse le choix de votre partenaire. « Eh bien, dit la reine, qui se douta que cette partie de whist n'était qu'un prétexte, mon choix est fait. Monsieur le baron de Charny, vous serez de notre jeu, et tout en jouant, vous nous donnerez des nouvelles de Turin. « Ah, vous venez de Turin, baron, dit monsieur. Oui, monseigneur, et en revenant de Turin, je suis passé par la place royale où j'ai vu un homme fort dévoué au roi, à la reine et à votre altesse. » Monsieur rougit, toussa, s'éloigna. C'était un homme tout d'embâge et de circonspection. Cet esprit droit et précis l'inquiétait. Il jeta un regard à Monsieur de la Châtre, qui s'approcha de lui, reçut ses ordres tout bas et sortit. Pendant ce temps, le roi saluait et recevait les hommages des gentilshommes et des femmes un peu rares qui continuaient de fréquenter le cercle des Tuileries. La reine alla le prendre par le bras et l'attira au jeu. Il s'approcha de la table. chercha des yeux le quatrième joueur et n'aperçut qu'Isidore. « Ah, monsieur de Charny, dit-il, en l'absence de votre frère, c'est vous qui faites notre quatrième. Il ne pouvait être mieux remplacé. Soyez le bienvenu. » Et d'un signe, il invita la reine à s'asseoir, s'assit après elle, puis monsieur après lui. La reine fit à son tour un geste d'invitation à Isidore, qui prit place le dernier. Madame Élisabeth s'agenouilla sur une causeuse derrière le roi et appuya ses deux bras sur le dossier de son fauteuil. On fit deux ou trois tours de whist en prononçant seulement les paroles sacramentelles. Puis enfin, tout en jouant, et après avoir remarqué que le respect tenait tout le monde écarté de la table royale, « Mon frère, » hasarda la reine en s'adressant à monsieur, « le baron vous a dit qu'il arrivait de Turin ?»« Oui, » dit monsieur, « il m'a touché un mot de cela. » Il vous a dit que monsieur le comte d'Artois et monsieur le prince de Condé nous invitaient fort à aller les joindre. Le roi laissa échapper un mouvement d'impatience. « Mon frère, » murmura madame Élisabeth avec sa douceur d'ange, « écoutez, je vous prie. »« Et vous aussi, ma sœur, » dit le roi. « Moi plus que personne, mon cher Louis, car moi plus que personne, je vous aime et suis inquiète. » « J'ai même ajouté, » hasarda Isidore, « que j'étais revenu par la place royale et que je m'étais arrêté près d'une heure au numéro 21. »« Au numéro 21 ?» demanda le roi. « Qu'est-ce que cela ?»« Au numéro 21, sire, » reprit Isidore, « demeure un gentilhomme fort dévoué à votre majesté, comme nous tous, prêt à mourir pour elle, comme nous tous, mais qui, plus actif que nous tous, a combiné un projet ?»« Quel projet, monsieur ?» demanda le roi en levant la tête. « Si je croyais avoir le malheur de déplaire au roi, en répétant sa majesté ce que je sais de ce projet, je me tairais à l'instant même. « Non, non, monsieur, » dit vivement la reine, « parlez. Assez de gens font des projets contre nous. C'est bien le moins que nous connaissions ceux qui en font pour nous, afin que, tout en pardonnant à nos ennemis, nous soyons reconnaissants à nos amis. Monsieur le baron, dites-nous comment s'appelle ce gentilhomme ?»« Monsieur le marquis de Favras, madame. »« Ah, » dit la reine, « nous le connaissons. Et vous croyez à son dévouement, monsieur le baron ?»« À son dévouement, oui, madame. Non seulement j'y crois, mais encore, j'en suis sûr. »« Faites attention, monsieur, » dit le roi, « vous vous avancez beaucoup. »« Le cœur se juge avec le cœur, sire. » Je réponds du dévouement de monsieur de Fabras. Quant à la bonté de son projet, quant aux chances qu'il a de réussir, oh, cela c'est autre chose. Je suis trop jeune, et lorsqu'il s'agit du salut du roi et de la reine, je suis trop prudent pour oser mettre une opinion là-dessus. Et ce projet, voyons, où en est-il ? Dit la reine. Madame, il en est à son exécution, et s'il plaît au roi de dire un mot, de faire un signe, ce soir, demain, à pareille heure, il sera à Péronne. Le roi garde le silence. Monsieur tordit les reins à un pauvre valet de cœur qui n'en pouvait mais. « Sire, » fit la reine en s'adressant à son mari, « entendez-vous ce que le baron vient de dire ?»« Oui, certes, j'entends, » répond le roi en fronçant le sourcil. « Et vous, mon frère ?» demanda la reine à monsieur. « Je ne suis pas plus sourd que le roi. »« Eh bien, voyons, qu'en dites-vous ? C'est une proposition, me semble. »« Sans doute, » dit monsieur, « sans doute. » Puis se retournant vers Isidore, « Allons, baron, » dit-il, « répétez-nous ce joli couplet. » Isidore reprit. Je disais que le roi n'avait qu'un mot à prononcer, qu'un signe à faire, et que grâce aux mesures prises par monsieur de Favras, il serait, 24 heures après, en sûreté dans sa ville de Péronne. « Eh bien, mon frère, » demanda monsieur, « est-ce que ce n'est pas tentant ce que le baron vous propose là ?» Le roi se retourna vivement vers monsieur et fixant son regard sur le sien. « Et si je pars, » dit-il, « partez-vous avec moi ?» Monsieur changea de couleur, ses joues tremblèrent, agitées par un mouvement qu'il ne fut point le maître de réprimer. « Moi ? » dit-il. « Oui, vous, mon frère, » dit Louis XVI, « vous qui m'engagez à quitter Paris, je vous demande, si je pars, partez-vous avec moi ?» Mais, balbutia monsieur, « moi, je n'étais pas prévenu, aucun de mes préparatifs n'est fait. »« Comment ? Vous n'étiez pas prévenu ?» dit le roi. « Et c'est vous qui fournissiez l'argent à monsieur de Favras ?» Aucun de vos préparatifs n'est fait, et vous êtes renseigné heure par heure sur le point où en est le complot. Le complot, répéta monsieur pâlissant. Sans doute le complot, car c'est un complot si réel, que s'il est découvert, monsieur de Favras sera emprisonné, conduit au Châtelet et condamné à mort, à moins qu'à force de sollicitations et d'argent, vous ne le sauviez comme nous avons sauvé monsieur de Besenval. Mais, si le roi a sauvé monsieur de Besenval, il sauvera bien aussi monsieur de Favras. « Non, car ce que j'ai pu pour l'un, je ne le pourrai probablement plus pour l'autre. D'ailleurs, M. de Besenval était mon homme comme M. de Favresse est le vôtre. Que chacun sauve le sien, mon frère, et nous aurons fait tous les deux notre devoir. » Et en prononçant ces paroles, le roi se leva. La reine le retint par le pan de son habit. « Sire, dit-elle, soit pour accepter, soit pour refuser, vous devez une réponse à M. de Favras. Moi ? Oui. Que répondra le baron de Charny au nom du roi ? Il répondra, dit Louis XVI, en dégageant son habit des mains de la reine, il répondra que le roi ne peut pas permettre qu'on l'enlève. Et il s'éloigna. Ce qui veut dire, continua monsieur, que si le marquis de Favras enlève le roi sans sa permission, il sera le très bienvenu, pourvu toutefois qu'il réussisse. Car quiconque ne réussit pas est un sot, et en politique, les sots méritent double punition. Monsieur le baron, dit la reine, ce soir même, sans perdre un instant, courez chez monsieur de Favras, et dites-lui les propres paroles du roi. Le roi ne peut pas permettre qu'on l'enlève. C'est à lui de les comprendre, ou à vous de les expliquer. Allez !» Le baron, qui regardait avec raison la réponse du roi et la recommandation de la reine comme un double consentement, prit son chapeau, sortit vivement, et s'élança dans un fiacre en criant au cocher. « Place royale, numéro 21 !»